Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à L'Aérospatiale, votre magazine en art visuel à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. J'entienne la France au micro avec vous pour cette émission du mardi 26 avril. Je suis accompagnée de ma très chère co-animatrice Audrey Carreau. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Tiane. Alors, ça va bien? Très bien, et le toi? Soleil brille, les crocus sortent, donc on a des petites fleurs qui commencent à nous accompagner dans nos marches sur le trottoir de Limoilou. Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien parce que le froid demeure quand même assez persistant, puis on a hâte qu'il s'en aille. Aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir Olivier Hébert qui va nous parler de son exposition Ghost, présentée à la Galerie des Arts Visuels. Ensuite, Andréane Gagnon va nous proposer une chronique sur les expositions qui sont présentées à Regard à Lévis. Et Audrey, qu'est-ce qui nous attend en deuxième demi-heure? Eh bien, tu vas avoir l'occasion de discuter avec la conjointe de Daniel Herban, donc qui expose en ce moment à la galerie Lacerte. Sinon, bien, on reçoit aussi notre chroniqueuse Andréane Lesage qui a une chronique politique, à savoir politique, à nous proposer donc sur l'art et la politique, comme on dit, avec les mesures fiscale qui encourage l'acquisition d'œuvres d'art. Donc, elle va revenir un peu là-dessus, notamment. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web et notre page Facebook. Au www.laérospatialeckrl.wordpress.com. Donc, les émissions en balado diffusion, les actualités en art visuel, un calendrier des événements, quelques billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de la semaine. Donc, parlons de la sélection audio de la semaine. Je me suis fait un petit plaisir de vous en faire une puisque Simon avait un empêchement. Donc, je vous propose l'album Ambient One, Music for Airports, donc qui est un album qui est sorti en 1978, réalisé par Brian Eno, donc qui est un album d'une très grande importance dans l'histoire de la musique ambiante, des espèces de collages de boucles. C'est comme une espèce de sculpture musicale qui était proposée comme musique d'ambiance dans les aéroports, donc vous pouvez vous fermer les yeux pour les quelques prochaines minutes et vous imaginer dans un aéroport. Alors, de retour à l'aérospatiale, on a en studio Olivier Hébert. Bonsoir, Olivier. Salut, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, tu exposes actuellement à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval des peintures abstraites, je dirais, avec des teintes très sombres de noir, de gris. Tu explores une palette assez neutre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta recherche picturale, de ta démarche en général, dans quoi ça s'inscrit, cette série-là que tu nous présentes? Il y aurait peut-être deux choses importantes qui ont servi un peu de départ un peu quand j'ai commencé à travailler. Puis dans le fond, il y aurait peut-être le nom de l'expo qui est Ghost, puis aussi un des tableaux sur lequel c'est écrit Hoop Dreams. Puis dans le fond, par rapport au Ghost, dans le fond, c'est que quand j'exposais à Montréal, il y a environ 3-4 ans, une expo chez La Roche-Jonca qui s'appelait Never Look Back. Puis on dirait qu'il y avait comme j'avais consulté, en tout cas avec nos collègues, quand on avait choisi le nom d'expo, il y avait toute une espèce d'idée par rapport à quand on travaille en art, ben on se tourne vers l'avant, puis même si on regarde en arrière toujours, ben il y a toujours une espèce de motivation. Je focus dans mes choses, je travaille. Donc vrai, il y avait comme un peu cette espèce de on fonce puis on regarde pas, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, je me suis rendu compte quand j'ai recommencé à travailler à l'atelier que j'étais un peu toujours à la recherche de choses qui avaient fonctionné dans mon travail, puis que c'est comme si je voulais un peu répéter ces choses-là. Puis je me suis rendu compte que ultimement, je suis un peu hanté toujours par le passé. Fait qu'il y avait comme une espèce de contradiction un peu entre le fait que je veux aller de l'avant, mais en même temps, je suis un peu obsédé par ce qui se passe. Mm-hmm. Puis aussi, c'est là qu'un peu la figure du fantôme a comme pris un peu son sens. Puis par rapport à mon travail, on dirait que c'est comme si... par rapport au travail, mettons, physique, qu'on vous parie que je fais la peinture abstraite, mais dans le fond, aussi, mais moi, j'ai toujours pensé mon travail comme étant vraiment concret aussi. Fait que c'est comme un mélange de... Je travaille avec la matière, puis on dirait que tout c'est... Par exemple, par rapport, mettons, aux lettres, aux textes qui s'effacent, ben la figure du fantôme prenait aussi ce sens-là par rapport au travail concrètement aussi. Donc, c'était comme quelque chose qui a pris beaucoup de sens de cette manière-là. Puis, l'autre chose que je... L'autre point de départ de l'expo, c'est le Hoop Dreams, dans le fond. Puis ça, dans le fond, ça vient de... Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de mon travail qui vient un peu de ce à quoi je m'intéresse, de ma vie un peu personnelle, mais de ma vie en général. Puis j'avais vu un film américain qui s'appelle Hoop Dreams. Puis dans le fond, c'est un documentaire qui est sorti dans les années 90, en 94. Puis... on suit le film suit deux Afro-Américains qui dans le fond rêvent de jouer au basketball professionnellement. Puis on voit dans le fond, c'est comme si le film, on est comme à des moments pendant environ 4 ans de leur vie, puis on voit comme toutes les étapes qu'ils franchissent ou ne franchissent pas pour atteindre ultimement ce rêve-là ou ne pas l'atteindre. Puis c'est comme si moi, puis tantôt je parlais de jamais regarder en arrière, mais pour moi c'est comme si j'avais associé ça à l'art un peu pour moi, parce que ultimement, qu'est-ce qui m'avait beaucoup touché dans ce film-là, c'était pas tant le fait que moi je veux jouer au basketball bien sûr, mais c'est plus que ben moi mon rêve, j'ai moi aussi des étapes à franchir, puis j'ai des choses à franchir pour arriver à certains buts ou à certains rêves. Donc, c'est comme si, par rapport au fantôme, il y avait encore là cette espèce de contradiction-là entre le fait de vouloir avancer, puis aussi le fait de vouloir réaliser des choses, mais en même temps, le fait que... pas que je considère certaines choses impossibles, mais qu'on est commenté par certaines choses aussi, ou certaines contraintes de la vie, ou certaines étapes de la vie qui sont toujours un peu... Donc, il y avait comme ces deux choses-là un peu qui étaient importantes là, dans l'expo. Voilà. Oui, c'est intéressant. Donc, une espèce de s'accrocher au passé tout en tirant vers l'avenir. Donc, une espèce de tension qui se crée comme ça dans dans la temporalité, dans le processus du devenir artiste, on est toujours oui, en train oui. de... Oui, oui, ah, oui. C'est très intéressant. Je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. Ouais. Donc, dans ton exposition, il y a cette alternance des grands tableaux, oui. des petits tableaux. Oui. Les deux semblent avoir une espèce de fonction différente. Oui. Il y a la disposition qui peut créer une espèce de narration non linéaire, là, mais une espèce de parcours ou de narration. Les grands tableaux sont accrochés de sorte que la bordure inférieure va raser le sol. Puis il y a vraiment une espèce de vis-à-vis. Qui oui. se crée par rapport au corps humain. Est-ce que et puis alors que les petits tableaux vont plutôt rappeler la page, et puis dans ton exposition tu présentes également une publication dans laquelle on retrouve des textes, oui. des mots. Ouais. Qui font écho aux ouais. mots qui sont toujours en anglais, oui, oui. des mots qui font écho aux mots qui se retrouvent sur les petits tableaux, et puis ces mots-là sont disposés comme plutôt comme des figures comme du texte dans oui. un livre, par exemple. Oui, comme pour moi, c'est pas tant littéraire, plus que c'est vraiment, comme par exemple, l'application, c'est vraiment des dessins. Oui. C'est comme, oui, c'est sûr que le texte est sélectionné, il y a quand même quelque chose par rapport au texte qui est écrit, mais c'est plus, je pense, au graphisme des mots qui... puis aussi... Puis des fois, comment je l'avais exprimé aussi au vernissage quand j'avais parlé de mon travail, il y avait comme aussi l'idée que j'ai pas écrit, par exemple, sur la publication, le titre de la publication, c'est « Nothing Like This », puis Il y a comme, je l'ai pas écrit juste une fois pour arriver à ce que je voulais. Je l'ai pas écrit des milliers de fois non plus, mais il y a comme justement quelque chose qui m'intéresse dans le graphisme, la relation entre ces lettres-là, en tout cas. Oui, ben, exactement. Ça, les, au graphisme des Lettres deviennent des figures. Exactement. Autant qu'elles sont signifiantes, autant elles deviennent des figures, un peu des personnages, des figures abstraites dans l'espace, dans la feuille. On voit que vraiment, parfois, ça brouille aussi la lecture parce que les mots sont tronqués d'une ligne à l'autre. Les mots sont collés. On se demande parfois qu'est-ce qui est écrit. Et puis, sur tes grands tableaux, les lettres sont très, très espacées, très petites, très espacées les unes des autres, puis on sent qu'il y a un effacement, ce travail justement de fantôme, d'effacement du passé, de recherche. Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est comme, je pense que c'est par rapport au petit puis au grand tableau. Tantôt, je parlais d'une tension entre le petit passé ou travail présent, etc. Puis dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension dans mon travail. La tension, tantôt vous parlez, tension entre les formats, tension entre, par exemple, pour moi, les grands tableaux, ils ont quelque chose. Puis d'ailleurs, ils ont comme des espèces de petits cadres de bois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui ça va un peu vers l'intérieur. Il y a comme quelque chose vers l'intérieur. Tandis que les petits tableaux, qui sont pourtant plus intimes, ils vont vraiment vers autre chose. Fait que ça aussi, puis la tension argent noir. Donc pour moi, c'est comme si j'ai l'impression que dans mon travail, il y a beaucoup de tensions qui sont en jeu un peu. Oui, puis il y a une tension aussi entre l'apparition, la disparition dans ton travail pictural. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui se fait par couches. On voit des choses apparaître derrière ces couches-là, des choses qu'on devine qui ont disparu aussi au cours du travail pictural. Donc, c'est... puis, il y a aussi ce travail autour de la texture de la toile. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces cadres où on sent la structure de bois derrière. Oui, exact. Quand je travaille, souvent je travaille soit à plat, soit au mur, puis aussi je marche sur mes tableaux. Fait que dans le fond, l'argent qui est un peu sur le contour de tous les tableaux, c'est quand, par exemple, quand je travaille les plus petits formats, puis j'ai comme des chaussures pour l'atelier, c'est comme si mes chaussures sont pleines de peinture, puis quand je marche dessus, moi j'ai l'impression que ça aussi, ça crée une tension entre l'image puis le... Pour moi, en parlant d'une autre tension, à mon avis, ça en est une autre. La tension entre l'image puis aussi l'objet sur lequel cette image-là repose. Tu parlais tout à l'heure de peinture abstraite, peinture concrète. Ouais. C'est un peu de ça. C'est exactement ça que je veux parler. C'est comme vraiment... Pour moi, c'est très concret par rapport à leur fini puis aussi la manière qu'ils sont travaillés. Donc, voilà. Ça rejoint exactement cette ligne-là dont tu avais parlé tantôt. Puis il y a une autre tension, mes questions oscillaient aussi dans différentes tensions. Une autre tension, c'est la tension entre la transparence et l'opacité. Tu travailles des couleurs très sombres, mais en même temps, on devine beaucoup ce qui se passe derrière. Et puis, c'est ça, en fait. Peux-tu nous parler un peu de ton processus en atelier? Comment tu procèdes? Est-ce qu'il y a des étapes? Oui et non, parce que des fois j'ai l'impression que je travaille beaucoup intuitivement, donc il y a pas de choses que je me délimite tant au départ, mais oui, c'est sûr que pour cette exposition-ci, l'idée un peu du même, c'est sûr que ça a comme un peu, parce que ces tableaux, c'est comme s'ils se ressemblent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, on s'amuse à trouver les différences, les ressemblances. Exactement. Puis c'est comme si je voulais aussi qu'ils soient pas, je voulais que les grands et les petits tableaux soient pas nécessairement prêts, parce que j'ai l'impression que quand on regarde certains tableaux, c'est comme si on reconstruit un peu dans notre tête ce qu'on a vu avant. Donc, puis pour ce qui est de mon processus, c'est ça, je fonctionne vraiment intuitivement, puis il n'y a pas de... Puis aussi, j'ai l'impression aussi que... comment je pourrais dire? Attendez, j'ai comme un... J'ai la misère à le formuler, mais... attendez. Comme si je m'étais... Comme si j'avais des... Voyons, excusez, j'ai un blanc. OK, je vais en rire, ça va passer. Non, mais c'est pas grave. C'est comme si j'ai comme si j'avais des critères au départ, mais que j'ai pas nécessairement nommé. Puis au fur et à mesure de travailler, d'effacer des choses, j'ai l'impression que j'arrive graduellement à qu'est-ce que je m'étais, même si je ne l'avais pas verbalisé au départ. Oui, c'est chose. Ça, oui. Exactement. Donc, c'est une recherche intuitive. Oui, exactement. Puis à un moment donné, tu sens que tu arrives au résultat que inconsciemment, oui, tu oui, t'étais. Oui. Puis aussi, des fois, j'ai l'impression que j'efface tellement de choses que, dans le fond, je fais juste effacer ce qui fonctionne le moins. Puis plus j'en efface, puis plus j'arrive justement à certaines choses qui m'intéressent ou qui intuitivement rejoignent des choses que je voulais trouver. Mm-hmm. Je sais pas si ça fait un sens. Oui, ça fait très sens. Je l'ai perdu ça fait un sens. Peu. En fait, j'espère que ça va donner le goût d'aller voir l'exposition aux auditeurs. En tout cas, moi, oui, c'est certain. Oui. Je vais aller faire un tour. Ah, okay. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est présenté à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 22 mai. Merci beaucoup, Olivier Bard, de t'être déplacé pour venir nous voir. Ben, merci de m'avoir invité. Puis de m'avoir invité. C'est super, super. Alors, c'était un extrait de la deuxième pièce de l'album Ambient One, Music for Airports de Brian Eno. Donc, 2-1. J'imagine que c'est sur le vinyle. Donc, la première pièce, c'est 1-1. La deuxième pièce, c'est 2-1. De retour en studio à l'aérospatiale avec Andréane Gagnon. Bonsoir, Andréane. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, t'es allée voir les expositions à regard à Lévis, t'as pris le traversier. Oui. Toujours un plaisir de prendre le traversier. Et qu'est-ce que t'as découvert dans la galerie de regard? Oui, en fait, ça a été vraiment une belle surprise quand je suis entrée en galerie parce qu'en fait, il y a le travail de Mathieu Lévesque qui est présenté en ce moment. Puis quand on entre en galerie, toute la mise en espace, tout l'espace galerie est complètement transformé. Puis vraiment, c'est très réussi parce que on entre en galerie et là, en fait, ce qu'on découvre, c'est une grande structure, mais également toutes sortes de coloris, toutes sortes de couleurs, en fait, disposées au mur. Puis là, en fait, on entre carrément dans l'univers de ce peintre-là ou de cet artiste-là qui, en fait, s'interroge beaucoup au niveau des limites entre les disciplines artistiques. Donc, c'est comme ça que j'ai cru saisir ça dès mon entrée en salle. Puis, il crée vraiment des relations entre la peinture, la sculpture, l'architecture, tout ça, en fait, mis en espace. Je connaissais pas le travail beaucoup de cet artiste-là. Je crois que c'est une des premières fois qu'il est présenté à Québec, ou à moins que je me trompe. Oui, en exposition solo, je crois que oui. Donc, c'est ça. C'était la première fois que j'étais confrontée au travail de Mathieu Lévesque. C'était la première fois, en fait, que je voyais ses œuvres. Et ça vaut vraiment le détour d'aller faire justement son tour là-bas, parce que toute une question aussi d'échelle, de perception qui se passe directement en galerie. Donc, on peut apprécier quand même les œuvres de l'artiste sur le web, etc. Mais en personne, je trouve vraiment qu'il se passe passe quelque chose parce qu'il y a des structures qui sont là, qui sont très massives. Et il y a tout un jeu de perception, justement avec ces masses-là dans l'espace, ces sculptures-là, mais aussi avec tout le jeu de la couleur, la réverbération également de la couleur sur des masses. Donc, ça devient vraiment un jeu d'illusion. Et en fait, on doit absolument s'attarder justement à certains détails comme la réverbération de la lumière. Au départ, moi, je pensais que la grande structure, comme l'espèce de poutre qui a l'air un peu molle mais rigide, j'étais certaine que c'était peint. En m'approchant, en fait, j'ai compris que c'était vraiment peut-être la lumière qui était un jeu, en fait, entre la peinture et la lumière. Et là, j'ai compris que c'était vraiment un jeu d'une illusion, donc vraiment la réverbération de la lumière, à moins que je me trompe. Parce qu'en fait, j'ai essayé de m'approcher pour être certaine que c'était ça, puis j'étais même pas sûre. Donc, il y a vraiment une espèce de jeu d'illusion avec ces murs-là. Je peux te certifier que la structure est blanche, blanc immaculé. J'ai eu des doutes jusqu'à la fin. Il a fallu que je pose la question tellement j'étais pas certaine. Puis c'est là, en fait, que j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien. Il y a toutes sortes de choses à noter. Il n'y a pas juste cette structure-là. Il y a aussi les sculptures au fond. Il y a tout le travail, justement, des couleurs. J'ai cherché sur l'artiste. J'ai compris, en fait, qu'il était graffiteur ou qu'il a, en fait, du moins un peu... anciennement graffiteur, oui. Il y a gravité vraiment dans cet univers-là. Puis je trouve aussi que ça, on le sent. À cause du travail de la couleur, la manipulation de la couleur, on sent aussi le travail avec les outils. Je cherche pas à cacher, en fait, la façon dont ils travaillent. Il y a une espèce de fin détail entre une maîtrise des outils, mais aussi un laisser-aller ou un hasard. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Entre autres, quand on entre, il y a le mur qui passe, en fait, d'un jaune vers un orangé. Il y a une espèce de dégradé. Mais il a pas cherché à cacher les coups de rouleau. Puis même que ça devient extrêmement intéressant parce qu'il y a encore un effet de lumière, de brillance. Bon, on n'est pas trop certain de ce qui se passe. Il y avait également, quand on entre vers la deuxième partie où il y a les sculptures, il y a une poutre, en fait, au plafond qui était de couleur turquoise, qui dialogue vraiment bien avec les pièces, justement, qui sont présentées. Puis encore une fois, moi, j'avais quasiment l'impression que c'était du marqueur. Il y a quelque chose d'un petit peu fascinant dans l'application de la matière directement au mur. Donc, il y a ça qui m'a fascinée. Puis par la suite, il y a aussi justement les sculptures qu'on retrouve au mur. Des éléments qui sont sculpturaux, mais qui ont... Mais c'est des tableaux en même temps, parce qu'ils sont appliqués au mur. Mais la peinture elle, se retrouve seulement que sur les bordures. La face est blanche. Oui, c'est ça. Mais il y a encore une fois le jeu de la couleur qui est appliqué, mais aussi le jeu des ombres de ces structures-là, parce qu'en effet, on ne sait pas trop si on est devant de la sculpture ou un tableau. Même en entrant en salle, on pourrait être dans un tableau. Tu sais, c'est un petit peu tout un mélange ou un fin mélange de toutes ces pratiques-là. Puis il y avait quelque chose aussi, même si on est dans la matière, puis on est dans le concret, là, il y avait quand même quelque chose de numérique, tant qu'à moi, dans ces formes-là, parce que je trouve que c'est des lignes. Ça rappelle des vecteurs, mais un vecteur, je veux dire, c'est complètement immatériel. Mais si je me trompe pas, Mathieu Lévesque fait ses formes à l'ordinateur avec un logiciel pour ensuite les produire là, physiquement. OK. Ouais. Ben, donc, je trouve qu'on sent quelque chose. Puis, en fait, ces formes-là qui sont des tableaux sculptures, c'est très près de l'architecture aussi. Ça pourrait évoquer des espaces quelconques, etc. Donc, il y a vraiment je trouve qu'en fait, tout s'emboîte très bien dans cette expo-là. Il y a vraiment quelque chose de fascinant dans le fait, justement, de circuler aussi. En fait, c'est nécessaire de circuler parce que, de toute façon, la poutre aussi... Elle nous oblige à faire le tour. Exactement. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas très grand, comme moi, là, moi, je ne voyais rien, là. J'arrivais puis j'avais la poudre, donc nécessairement, justement, je devais circuler et tout. Un autre petit détail, peut-être par rapport à la réverbération de la lumière, là, il y avait une structure qui était en haut à droite, donc vraiment la peinture rose-rouge, mais sur une contreface, il y a du jaune, et quand on ne voit pas cette surface-là, on sent quand même la lumière ou justement le reflet de ce jaune-là. Puis encore une fois, je trouve que c'est très fort parce que c'est subtil. Oui. Ben, il y a des petits détails. Il y en a un, je ne sais pas si tu l'as remarqué, dans l'espace centre de documentation, au-dessus d'un bloc au mur, il a mis des touches d'orange aussi. Mais ça, c'était comme c'est un petit détail très, très subtil. Mais il y a des jeux comme ça, des petits jeux de surprise. Il s'est amusé beaucoup aussi avec l'architecture quand même assez atypique de la galerie. Hein. C'est vrai. Ces formes-là qui vont au-delà du cube blanc, qui nous sortent un peu de l'espace aseptisé, mais qu'on n'a pas nécessairement remarqué dans les autres expositions d'avant en regard. C'est vrai, parce qu'en fait, je me suis justement attardée à l'espace plus que d'habitude, parce que c'était vraiment intégré à l'œuvre. Il a vraiment profité, si on veut, de cette structure-là un peu atypique, comme tu l'as mentionné, tu sais, pour évoquer des formes qui font déjà partie de son vocabulaire esthétique. Donc, c'était comme vraiment une chance d'avoir cet espace-là, puis de pouvoir combiner justement des éléments qu'on retrouve habituellement avec vraiment des particularités de l'espace, vraiment des spécificités de la galerie chez Regard. Donc, une exposition à voir. Vraiment à voir. Passez la voir, en fait. Vous avez quand même un bon moment là, jusqu'au 5 juin. Puis je trouve que c'est une expo qui vaut la peine d'être vue. Puis en fait, c'est des pièces qu'il faut voir en personne, je trouve, pour pouvoir vraiment bien les apprécier en plus. Puis il y a deux autres propositions aussi, je pense, qui ont cours à Regard en ce moment. Exactement. Donc, deux autres projets. D'abord, le projet de Laurie Saint-Onge de Sy qu'on voit, en fait, dans la vitrine des membres. C'est une œuvre qui s'ancre vraiment dans un contexte autobiographique, j'aurais envie de dire. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais justement, l'artiste utilise cette vitrine-là pour faire un retour, si on veut, sur son expérience de la maternité. Donc, tous des éléments entourant justement sa nouvelle situation de maman. Puis, elle intègre également des éléments, des objets qui sont très évocateurs, qui sont très symboliques et qui s'imbriquent très bien, finalement, justement, à cette thématique-là de nouvellement maman. Finalement, j'aurais aussi quelques mots à dire sur le projet à l'intérieur sonore, donc le projet de François Chamberlain. Que je ne connaissais pas, donc que j'ai eu le plaisir également de découvrir. Technicien de son de formation, c'est ça que j'ai cru comprendre. Il propose justement un œuvre sonore, un deuxième tome qui est en fait une exploration, si on veut, du patrimoine lévisien. Donc qui nous présente, ou plutôt on peut entendre des captations, des entrevues, de la musique. Donc c'est assez diversifié, c'est assez éclectique. On peut passer de quelque chose de plus hip-hop à quelque chose de plus quasiment country. Là, je sais pas si je m'exprime bien là-dedans, mais il y a vraiment des variations. C'est hyper intéressant comme projet. Puis justement, l'artiste nous invite, si on veut, à découvrir avec lui le patrimoine culturel lévisien. C'est vraiment, encore une fois, un projet qui... des éléments culturels qui s'approprient de chez lui. Bon, ben c'est très bien. Donc, ça donne le goût de prendre le traversier. Oui, allez-y, allez-y. En plus, il fait tellement beau avec une petite crème glacée sur le traversier. Là. C'est convaincant. Il y a plus de raison. Voilà. Alors, ces expositions-là sont présentées jusqu'au 5 juin à Regard, à Lévis. Nous, on va partir pour une petite pause publicitaire et on vous revient au retour pour discuter de l'exposition de Daniel Herban à La Certe. Vous écoutez CKRL 89.1. Tu penses que tout est fini? Et te voilà reparti, comme ça sans préavis. Des jours et des nuits, tu verras. L'amour, ça s'apprend pas par cœur. Ça change sans cesse de couleur. L'amour, ça s'apprend pas par cœur. Ça change sans cesse de douceur. Hey Tania, j'aimerais ça faire de la radio à CKRL. Jean-Michel, t'en fais déjà? Tu fais plein de voix de pub pour nous autres. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, j'aimerais ça faire une émission. Ah, mais ça tombe bien, on est en période de recrutement pour la saison d'été. Tu vas sur notre site, il y a une section « Proposer une émission », tu remplis le formulaire. OK, puis j'ai jusqu'à quand? Jusqu'au 1er mai. Merci. Mais là, veux-tu vraiment faire de la radio ou c'est juste une mise en scène pour la pub? Ouais, c'est ça, c'est juste la mise en scène que tu m'as demandé de faire pour la pub. Ah. Regarde. Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été. « La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Dimanche 15 mai, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Et... as-tu vraiment les yeux rouges? Lorraine Côté propose un extrait de la pièce « Qui a peur de Virginia Woolf » présentée au Théâtre de la Bordée. Mais très loin à l'intérieur de moi-même, pour que personne s'en aperçoive, je pleure tout le temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Fabriqueculturelle.tv. J'ai des essuie-glaces sur mes yeux, mon Georges, depuis que je t'ai épousé. L'Orchestre symphonique de Québec présente Musique au féminin. Un concert où l'OSQ a le plaisir d'accueillir la jeune virtuose Marika Bournaki sous la direction de la chef d'orchestre Mei-Han Chen. Au programme, la 4e symphonie de Beethoven précédée d'un des joyaux du répertoire pour piano, le concerto de Schumann. Un rendez-vous ce mercredi 27 avril au Palais Montcalm. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Alors, à la deuxième demi-heure de l'aérospatiale, j'entienne la France avec vous au micro, accompagnée d'Audrey Caro à l'animation de cette édition du 26 avril. Nous avons au téléphone Madame Hébert. Bonsoir, Madame Hébert. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, oui, oui, oui, ça va bien. Donc, Daniel Herban est dans l'impossibilité de faire une entrevue avec nous. Donc, on vous a demandé de discuter avec nous à propos de son exposition qui est en cours chez la CERT. En regardant les œuvres qui sont exposées en ce moment en galerie, on sent la rage, on sent l'angoisse. Il y a des personnages déformés, voire même monstrueux. Il y a quelque chose de cauchemardesque dans le travail de Daniel Herban, mais c'est de la réalité dont il est question. L'artiste se penche beaucoup sur les horreurs dont l'être humain est capable dans la société, dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette critique sociale qui est très présente dans l'œuvre de l'artiste? Oui, Daniel a toujours voulu créer un art qui dénonce, qui parle au spectateur. Donc, c'est beaucoup du commentaire social qu'il fait. Donc, il dénonce la violence, il dénonce l'horreur. Pour lui, l'art doit vouloir dire quelque chose. Et des gens qui avaient acheté ses œuvres disaient que ça les faisait discuter, ils pouvaient parler du sujet avec d'autres. Daniel aimait beaucoup parler de son art avec d'autres, parler de sa démarche, voir ce que les autres faisaient, tout ça. Donc, son art, c'est un art dur, c'est un art cinglant, mais qui dénonce des réalités qui sont malheureusement présentes dans notre monde. Donc, une représentation des revers de la nature humaine qui... C'est ça, une représentation de la souffrance, la violence envers les femmes, la violence envers les exclus. Il a aussi créé des œuvres. Sa mère étant une survivante de l'Holocauste, et certaines de ses œuvres qui traitent de ça. Et c'est ça, il y a une œuvre qu'il a créée qui s'appelle « Victime et survivant ». Mm-hmm. Alors, différentes choses comme ça. Donc, un art qui ne laisse pas le spectateur indifférent. Oui, qui justement, comme vous le dites, cherche à faire parler. Justement. Pour lui, l'art, c'était ça. C'était être en discussion avec le spectateur. C'était d'abord ça. Et avec ces sentiments aussi, avec les sentiments qu'on peut ressentir devant, devant ces tableaux, devant ces, ces encres. Oui. Ouais. Et puis, on a été plusieurs années sur la rue à Montréal, dans le festival FIMA. Mm-hmm. Alors, on pouvait discuter avec les passants, tout ça, c'était vraiment bien, là. Parce que pour Daniel, l'art, ça devait faire partie aussi de la vie de tous et chacun, et non pas seulement pour une élite spécifique. Mm-hmm. Donc, ouais. Oui, ben c'est bien réussi parce que c'est un art qui est quand même très très très accessible justement dans sa façon de choquer le spectateur, d'aller toucher directement certaines cordes sensibles. Puis c'est du dessin direct. Hein. Oui, Daniel faisait pas de croquis, c'était direct sur le papier. Mais c'est ça que il y avait. Ben, en fait, dans son travail, l'importance du geste est très très présente, un geste expressionniste, quasi automatiste. Oui. Oui. On devine des traits gestuels. Est-ce qu'il y avait une méthode où il y a il commence avec des traits très gestuels pour construire ensuite une figuration ou comment est-ce qu'il non, c'était spontané ça. Puis Daniel produisait énormément. C'était pour lui, c'était il faisait pas un dessin, il en faisait 50, il en faisait 60. C'était direct sur le papier. Là. À l'encre beaucoup, travaille Ouais, il travaille beaucoup à l'encre, il fait beaucoup de gravures aussi. Il a travaillé à l'atelier Garafia à Montréal, mm-hmm. avec Madame Kaiserman. Mm-hmm. Et puis après ça, quand Garafia a fermé, il a acheté une des presses qu'il y avait là. Donc, il faisait ses impressions dans son studio à ce moment-là. Donc, on sent beaucoup d'influence de l'expressionnisme. Oui, oui. Son premier, un des artistes auquel il se référait beaucoup, c'était Paul Klee. Mm-hmm. Donc l'expressionnisme allemand, mais aussi l'expressionnisme américain. On peut penser à des ben les ouais, ben il se situait dans ce mouvement-là. Ouais, ouais. Et puis l'exposition regroupe principalement des œuvres qui ont été réalisées au cours des 15 dernières années. Ouais. Selon vous, est-ce que des éléments qui vont caractériser plus le travail de Daniel Erban au cours de ces 15 dernières années, est-ce que quelque chose qui caractérise ce corpus-là qui est exposé chez Lacerte? C'est surtout la violence, la détresse qui est exprimée dans ces œuvres-là. Aussi la tendresse, il y a une œuvre qui s'appelle Les Mères, la mère. Mm-hmm. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs moments dans son art. Hein. Au début, Daniel commence dans les années 70 à faire de l'art abstrait. Mm-hmm. Il n'a pas percé là-dedans parce que bon, c'était pas connu. Alors après ça, il a fait tous les centres d'artistes au Québec, mm-hmm. avec du dessin, de la gravure. Ensuite, il est allé un peu ailleurs dans le Canada aussi, aux États-Unis aussi. Une année, le Conseil des arts a envoyé une œuvre à la Biennale de Prague et ils l'ont achetée. Le Musée du Québec a une de ses œuvres aussi, le Musée sur les plaines. Donc, au début, c'est de l'art abstrait. Après ça, ça devient de l'art très sarcastique. Oui, il y a quelque chose de caricatural aussi dans ces œuvres. Oui, très sarcastique au début. Ensuite, ça passe un peu plus sexuel, la luxure, etc. Et après, ça a été la violence. C'est la violence sous toutes ses formes. Donc, un cycle qui se penche plus sur la violence qui est exposé actuellement à la Galerie Lacerte. Je vous remercie beaucoup, Mme Hébert, d'avoir répondu à notre invitation. Ah, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vais juste dire, pour avoir des informations sur Daniel, il y a un nom de domaine sur Internet, c'est danielerban.info. Et il n'y a pas de page Facebook, par exemple. Si vous voyez son nom sur Facebook, c'est pas lui. Parfait. Donc, on lui fera pas une demande d'amitié sur Facebook. Merci beaucoup pour ces informations. Okay. Donc, l'exposition est à visiter jusqu'à ce dimanche à la Galerie La Certe. Oui. Alors, bonne soirée, Madame Hébert. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, nous, on se quitte pour une petite pause audio, encore avec Brian Eno pour la pièce 1. Andréanne Lesage, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Alors, tu nous as proposé de parler encore, t'as comme une série de chroniques art et politique, hein, on dirait, qui se dessine au fil des émissions. tu nous as proposé de parler ce soir du rapport Godbout, de la mesure fiscale sur l'amortissement des œuvres d'art pour les entreprises. Et puis, également un petit retour sur les promesses électorales de Justin Trudeau. Oui, c'est ça. Dans le fond, bon, la première partie, ça va vraiment être plus la politique provinciale, puis la seconde, politique fédérale, mais qui ont des impacts, là, toutes les deux, évidemment, sur le marché de l'art, mais aussi les subventions aux artistes, puis les subventions pour la culture aussi en général. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année, beaucoup de revendications aussi, parce que, bon, ça faisait quand même plusieurs années que le milieu culturel subissait des cultures tant au provincial qu'au fédéral. Des coupures, tu veux dire? Des coupures, qu'est-ce que j'ai dit? Cultures. Des cultures, excusez-moi, des coupures. C'est des mots proches, finalement. Donc, voilà, il y avait un article qui est paru la semaine dernière dans Le Devoir qui parlait donc de l'Association des galeries d'art contemporain qui voulait faire élargir une mesure fiscale pour stimuler le marché. Donc, je suis allée un peu voir de quoi il s'agissait. Ça vient d'un rapport, le rapport Godbout, qui a été publié en mars 2015 et qui suggérait, bon, toutes sortes de modifications par rapport à la fiscalité, mais notamment l'abolition de certaines mesures fiscales qui touchaient directement le milieu des arts. Et parmi celles-là, ben, on avait l'amortissement d'œuvres d'art dont l'auteur est canadien. En gros, en fait, c'est une mesure qui permet à une entreprise qui souhaite acquérir une œuvre d'art d'un artiste Canadien vivant, mm-hmm. D'avoir un certain, dans le fond... De pouvoir étaler, c'est exact. Ça, les prix. Puis en même temps, bon, ça permet un certain rabais là, par rapport à l'impôt et tout ça. Il y a un peu d'argent qui est sauvé. Il y a un crédit qui est applicable. C'est ça. Mm-hmm. Il y a, bon, certains avantages financiers. Pas une grosse affaire, mais quand même. Ben, c'était quand même... Moi, je me rappelle avoir lu François Rochon qui disait que c'était quand même... Un petit plus, là, justement. Exactement. Une aide, en quelque sorte, là, malgré tout, là, François Rochon, qui est Giverny Capital, là, justement, oui. Un des gros, le patron de Giverny Capital. Donc, tu sais, puis que lui est d'ailleurs un gros acheteur, un gros collectionneur lui-même, mais avec Giverny Capital aussi, collectionne aussi beaucoup. Je vous dis ça, c'est parce que je sais que ça va être, c'est lui qui a acheté l'œuvre de David Atmed qui va être présentée au Musée national des Beaux-Arts, justement, avec la réouverture. Donc, ça, c'est quand même un nom à citer. Tout à fait. Donc, ça, c'est une mesure qui s'applique aux entreprises. Aux entreprises ou aux particuliers qui ont des entreprises, mais qui, dans le fond, vont afficher ces œuvres-là dans leur bureau et même, idéalement, en fait, il faut que ça soit des lieux publics qui vont être visités par des clients, donc c'est pas ça. Juste les employés. Ça a beaucoup de bienfaits, en fait. Non seulement, justement, ça encourage l'achat d'œuvres canadienne plutôt que d'œuvres de l'extérieur, mais en plus, ben ça permet un plus bel environnement de travail pour les employés. Ça permet aussi de redorer un peu l'image de la compagnie. Tu sais, veux pas, c'est quand même positif de montrer qu'on s'intéresse à l'art, d'avoir des beaux objets. Bon, tant au point de vue des clients ici nationaux, mais à l'international aussi, les gens qui viendraient visiter nos entreprises. C'est un véhicule de sensibilisation à l'art aussi, véritablement. Tout à fait. Mm-hmm. Ça permet une plus grande visibilité du travail de nos artistes. Donc, c'est une mesure qui a finalement plusieurs bienfaits. Et on comprend que lorsque le rapport Godbout est sorti et qu'il suggérait l'abolition de cette mesure-là, ben, ça a beaucoup fait réagir le milieu. Principalement l'Association des galeries d'art contemporain qui a quand même connu des années difficiles dernièrement. Donc, l'abolition d'une mesure comme ça, ça pourrait même... Bon, avoir des répercussions très, très importantes, finalement, sur le marché de l'art ici. Et, on sait que l'Association des galeries d'art contemporain a quand même, dans les dernières années, développé beaucoup d'autonomie, notamment en créant la foire papier. Qui avait lieu cette fin de semaine. Oui. Et c'est un événement là, maintenant qui attire... l'année passée, il y avait eu 17 000 personnes. Donc, on s'entend que ça devient de plus en plus gros. Ça permet des rentrées d'argent, mais donc, ça vient un peu balancer, finalement, le désinvestissement là, du financement public qu'il y a eu là, dans les dernières années. Donc, c'est en fait une revendication qu'ils veulent parce que là, ils ont mis beaucoup de pression dans la dernière année sur le gouvernement provincial en disant qu'il fallait pas abolir cette mesure-là, bien qu'il n'y ait eu aucun retour de la part du gouvernement, donc aucune réponse là à leurs nombreux appels. On sait que pour le budget 2016, ces mesures-là sont conservées. Maintenant, parce que ça reste des suggestions, ça, le rapport Godbout. Puis moi, je me rappelle à l'époque m'être informée, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que souvent dans ces recommandations-là, c'est parce qu'il trouvait que ça n'avait pas été souvent été utilisé, mais en même temps, je me dis... Oui, peut-être, mais par peut-être le fait que les gens ne connaissent pas aussi cette mesure-là et que peut-être plusieurs entreprises, là, en le sachant, justement, en faisant parler aussi, la GAC a réussi à sensibiliser les entreprises à ça, à cette possibilité-là. Tout à fait. Puis bon, c'est ça l'idée, c'est de la conserver et même de la bonifier. Bon, c'est ce que suggère la GAC, là, justement, d'augmenter peut-être les avantages pour les entreprises même et de diffuser davantage. Maintenant, si on fait un petit retour sur les promesses de Justin Trudeau, parce que le budget est sorti il y a à peu près un mois, et c'est justement, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, d'aller voir qu'est-ce qu'il avait tenu comme promesse ou pas. Bonne nouvelle, à peu près toutes ces promesses en matière de culture pour l'instant sont mises de l'avant. Là, finalement, il s'est engagé à des grosses dépenses. On dit près de 1,9 milliard. Là, tout dépendant des sources, j'ai 1,8 et 1,9 milliard de dollars en culture sur 5 ans. Et donc, les promesses qu'il avait fait, là, je me souviens des points que j'avais mentionnés en octobre. Il avait doublé le budget du Conseil des arts du Canada. Et c'est effectivement vraiment une mesure qui va être mise en place pour les 5 prochaines années. Là, ça totalise finalement le double du budget annuel du Conseil des arts. Puis il y a aussi Téléfilm Canada, l'Office national du film qui vont avoir bon du financement tel que promis, les programmes aussi pour l'exportation des produits culturels, des artistes aussi, la visibilité de nos artistes à l'international. Ça, c'est des programmes qui avaient été beaucoup coupés. Oui, effectivement. Et oui. Là, ils sont non seulement ils sont restaurés, mais en plus, ils sont mieux financés. Ils sont bonifiés. Donc, vraiment, c'est... Bon, puis aussi, il y avait... la volonté là, de développer des emplois pour les jeunes dans le milieu culturel avec, par exemple, Jeunesse Canada au travail, tout ça. Bon, j'ai pas trouvé les chiffres précisément pour cet organisme-là, mais par contre, le budget prévoit beaucoup d'investissements là, pour la formation professionnelle des jeunes. Donc, on peut penser que finalement, toutes les promesses vont être tenues. La réaction du milieu, les réactions plutôt du milieu sont vraiment très, très positives. C'est des investissements historiques. On n'a jamais vu ça en culture. Et justement, cette semaine, ben, on a vu, même jusqu'à aujourd'hui, des petits articles sortir dans les journaux. Bon, on a des investissements très importants au niveau du numérique. Oui, le numérique, c'est un peu le fer de lance du programme culturel du fédéral, on dirait. Exactement. Un peu comme au Québec aussi. Oui, hein? Un peu comme au Québec également. Oui, ça fait suite. C'est sûr que c'est un moment aussi qui est propice à ça. On a beaucoup de retard. Puis là, ben, c'est une façon non seulement de rattraper le retard, mais aussi l'idée, c'est de peut-être proposer quelque chose de novateur qui se fait pas encore à l'extérieur et de permettre justement au Canada de devenir une référence en matière de numérique. Parce qu'on a les ressources quand même là au Canada. Oui. Pour développer justement dans le domaine du numérique. Ben oui, et puis ben dans différents, c'est ça, secteur connexe et jeux vidéo notamment, on est oui, assez fort. On pense, à l'animation, aux jeux vidéo, oui. On est quand même assez à la fine pointe. Oui, mais moi, si je peux me permettre un petit commentaire critique pour rebondir là-dessus, c'est que j'ai hâte de voir comment tout ça, c'est beau cet argent-là, mais comment cet argent-là va être redistribué, notamment pour les arts visuels. Parce que le Conseil des arts du Canada, c'est beau, mais c'est pas juste les arts visuels qui s'y retrouvent là-dedans. Puis par exemple, je donne un exemple, je me rappelle que certains organismes, ben, pour travailler dans les centres d'artistes, certains organismes, justement, on va peut-être parler d'une redistribution pour les centres d'artistes de peut-être 1,5 million, mais à la grandeur du Canada. Donc, finalement, c'est un peu, excusez-moi l'expression, des grenailles aussi. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va se faire. Puis aussi, on est encore beaucoup dans la vision, je trouve, libérale, qui est d'investir dans les infrastructures. Mais souvent, ça arrive aussi, c'est beau... remettre des bâtiments, je comprends qu'il y a des bâtiments qui tombent un peu en ruine, c'est important, mais il y a aussi du monde qui travaille à l'intérieur de ça. Tu sais, je veux dire, les gens ont été beaucoup touchés, coupés, ces personnes-là aussi. Donc, en fait, je suis heureuse de voir que cet argent-là revient, mais j'ai vraiment hâte de voir dans le concret l'application de cet argent-là, comment la redistribution va se faire et si réellement le milieu va en bénéficier. Mais enfin, excusez, c'est mon petit grain de sel. C'est tout à fait légitime comme questionnement. Il y a quelques indices là, au niveau des artistes qui ont été émis là, dernièrement. Je pense à justement un article publié aujourd'hui, cet après-midi, donc qui disait que en fait, le Conseil des arts veut revoir justement comment il finance les artistes, les programmes directement reliés aux artistes. Et pour l'instant, il est question de réduire le nombre de programmes, mais de les rendre plus ouverts et de les bonifier. Donc, c'est ça. C'est comme des regroupements. En même temps, ça va peut-être permettre à des nouveaux artistes d'entrer dans ces subventions-là. Ça reste à voir. Espérons-le. Oui. Reste à voir concrètement c'est quoi les effets que vont avoir ces réinvestissements dans le domaine culturel par le fédéral. Mais merci beaucoup, Andréane Lesage, pour plaisir. Cette chronique très intéressante. On se tient au courant de ce qui se passe dans l'actualité pour savoir un peu ce qui va se passer dans l'avenir. Hein. Donc, on va partir encore pour une courte pause avec Brian Eno pour la dernière pièce, un extrait de la dernière pièce de son album Ambient One, Music for Airports. Thank you. Alors, on part de l'aéroport, on revient en studio. Audrey Caro, qu'est-ce qu'il y a à voir dans les arts visuels cette semaine à Québec, pardon? Oui, bien sûr. Il y a, à vrai dire, ce jeudi, l'ouverture de la résidence de Noémie Kotick à la Chambre Blanche, donc en formule 5 à 7. Par la suite, c'est un vendredi tout médusien, si on peut dire, parce qu'il y a trois événements qui se passent à Méduse ce vendredi. Donc, vernissage d'Alexandre Larose, une œuvre intitulée Brouillard, donc à la bande vidéo, et ça, c'est à compter de 17 heures. Et en prélude à son exposition qui va débuter chez Vue le 6 mai prochain, Jocelyn Robert présente la projection de Blue Empire New York Babel Billboard. Donc, c'est la première fois qu'on va diffuser vraiment une version longue de ça, parce qu'il y avait eu une projection qui avait été présentée au musée oui. Exact, dans l'exposition par Bernard Lamarche, là, donc Les Matins Infidèles, voilà. Donc, c'est ce vendredi aussi à partir de 17h et ça tourne en boucle, donc dès 17h dans l'espace américain de Vue. Sinon, il y a aussi, et on vous invite à pas manquer ça, le vernissage de Nicolas Fleming et Mike Bourchette à l'œil de poisson. Bon, petit soulignement ici, là, parce que honnêtement, ça va valoir le détour. Donc, dès 20h et 19h30, rencontre avec les artistes. Et ce lundi, il y a le Club des collectionneurs en art visuel qui vous invite à une rencontre avec l'artiste Aristide Gagnon qui expose présentement à la Maison Amel Bruno. Donc, c'est à la Maison Amel Bruno à 19h30. Premier arrivé, premier servi, là, c'est gratuit. Et sinon, dernière semaine pour voir l'expo des rencontres en BD au Musée National des Beaux-Arts du Québec, Daniel Herban chez La Certe et sinon Arbre d'Avril dont on a parlé la semaine dernière dans le parc Saint-Roch. Voilà. Merci beaucoup Audrey et j'en profite également pour remercier Olivier Hébert et Madame Hébert d'être venus à l'émission et nos collaborateurs Andréane Lesage et Andréane Gagnon ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde et un remerciement encore à Audrey. Je cède le micro à Pierre Blais et à son émission Situation Critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulézard.com. Ne manquez pas Entraîne ta fibre le 28 avril prochain de midi à 14h. Une émission diffusée en direct de la 4e foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. François Bégin et ses nombreux invités issus de la communauté d'affaires parleront des 5 cycles d'une entreprise tels que le prédémarrage, le démarrage, la croissance, la maturité et le transfert. Entraîne ta fibre en direct de la foire des entrepreneurs le 28 avril prochain de midi à 14h. Seulement au 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. L'Orchestre symphonique de Québec présente Musique au féminin. Un concert où l'OSQ a le plaisir d'accueillir la jeune virtuose Marika Bournaki, sous la direction de la chef d'orchestre Mei-Han Chen. Au programme, la 4e symphonie de Beethoven, précédée d'un des joyaux du répertoire pour piano, le concerto de Schumann. Un rendez-vous ce mercredi 27 avril au Palais Montcalm. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. C'est un signal. Toujours mes larmes de métal. Montréal New Wave, retour vers le futur. Qui vous dit que je n'en mourrai pas? Ne cherchez pas l'amour avec moi. Un film de Éric Simon. Si tes passeports reflètent leur rêve. À l'affiche dès le 29 avril au Cinéma Cartier. Situation Critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En avril, ne manquez pas au Cinéma Le Clap, Made in France, dès le 15 avril. L'Origine des espèces, dès le 22 avril. Et ne manquez pas notre concours avec le Cinéma Le Clap. Courez la chance de gagner une soirée resto ciné pour deux en collaboration avec les restaurants Le Cosmos. Pour participer, téléchargez gratuitement le magazine Le Clap sur votre tablette. Faites vite, vous avez jusqu'au 28 avril pour participer.